Émile Zola, L'argent. Chapitre 12. L'instruction du procès marcha avec une telle lenteur que 7 mois déjà s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Saccard et d'Amelin sans que l'affaire pût être mise au rôle. On était au milieu de septembre et ce lundi-là, Madame Caroline, qui allait voir son frère 2 fois par semaine, devait se rendre vers 3 heures à la conciergerie. Elle ne prononçait jamais le nom de Saccard. Elle avait 10 fois répondu par un refus formel aux demandes pressantes qu'il lui faisait transmettre de le venir visiter. Pour elle, raidie dans sa volonté de justice, il n'était plus. Et elle espérait toujours sauver son frère. Elle était toute gaie les jours de visite, heureuse de l'entretenir de ses dernières démarches et de lui apporter un gros bouquet de fleurs qu'il aimait. Le matin, ce lundi-là, elle préparait donc une boîte d'œillets rouges lorsque la vieille Sophie, la bonne de la princesse d'Orviedo, descendit lui dire que madame désirait lui parler tout de suite. Étonnée, vaguement inquiète, elle se hâta de monter. Depuis plusieurs mois, elle n'avait pas vu la princesse, ayant donné sa démission de secrétaire à l'œuvre du travail, dès la catastrophe de l'Universel. Elle ne se rendait plus de loin en loin, boulevard Bineau, que pour voir Victor, que la sévère discipline semblait dompter maintenant. L'œil en dessous, avec sa joue gauche plus forte que la droite, tirant la bouche dans une moue de férocité goguenarde. Tout de suite, elle eut le pressentiment qu'on la faisait appeler à cause de Victor. La princesse d'Orviedo, enfin, était ruinée. 10 ans à peine lui avaient suffi pour rendre aux pauvres les 300 millions de l'héritage du prince, volés dans les poches des actionnaires crédules. Et s'il lui avait fallu 5 années d'abord pour dépenser en bonnes œuvres folles les 100 premiers millions, elle était arrivée, en 4 et demi, à engloutir les 200 autres dans des fondations d'un luxe plus extraordinaire encore. À l'œuvre du travail, à la crèche Sainte-Marie, à l'orphelinat Saint-Joseph, à l'asile de Châtillon et à l'hôpital Saint-Marceau, s'ajoutait aujourd'hui une ferme modèle près d'Évreux, 2 maisons de convalescence pour les enfants sur les bords de la Manche, une autre maison de retraite pour les vieillards à Nice, des hospices, des cités ouvrières, des bibliothèques et des écoles aux 4 coins de la France. Sans compter des donations considérables à des œuvres de charité déjà existantes. C'était d'ailleurs toujours la même volonté de royale restitution, non pas le morceau de pain jeté par la pitié ou la peur aux misérables, mais la jouissance de vivre, le superflu, tout ce qui est bon et beau donné aux humbles qui n'ont rien, aux faibles que les forts ont volé de leur part de joie. Enfin, les palais des riches, grands ouverts aux mendiants des routes, pour qu'ils dorment, eux aussi, dans la soie, et mangent dans la vaisselle d'or. Pendant 10 années, la pluie des millions n'avait pas cessé. Les réfectoires de marbre, les dortoirs égayés de peinture claire, les façades monumentales comme des louvres, les jardins fleuris de plantes rares, 10 années de travaux superbes, dans un gâchis incroyable d'entrepreneurs et d'architectes. Et elle était bien heureuse, soulevée par le grand bonheur d'avoir désormais les mains nettes, sans un centime. Même, elle venait d'atteindre l'étonnant résultat de s'endetter. On la poursuivait pour un reliquat de mémoire montant à plusieurs centaines de 1000 francs, sans que son avoué et son notaire puissent réussir à parfaire la somme dans l'émiettement final de la colossale fortune, jetée ainsi aux 4 vents de l'aumône. Et un écriteau, cloué au-dessus de la porte cochère, annonçait la mise en vente de l'hôtel, le coup de balai suprême qui emportait jusqu'aux vestiges de l'argent maudit, ramassé dans la boue et dans le sang du brigandage financier. En haut, la vieille Sophie attendait Madame Caroline pour l'introduire. Elle, furieuse, grondait toute la journée. Ah, elle l'avait bien dit que Madame finirait par mourir sur la paille. Est-ce que madame n'aurait pas dû se remarier et avoir des enfants avec un autre monsieur, puisqu'elle n'aimait que ça, au fond? Ce n'était pas qu'elle eût à se plaindre et à s'inquiéter, elle, car elle avait reçu depuis longtemps une rente de 2000 francs qu'elle allait manger dans son pays, du côté d'Angoulême. Mais une colère l'emportait lorsqu'elle songeait que madame ne s'était pas même réservé les quelques sous nécessaires chaque matin au pain et au lait dont elle vivait maintenant. Des querelles sans cesse éclataient entre elles. La princesse souriait de son divin sourire d'espérance en répondant qu'elle n'aurait plus besoin à la fin du mois que d'un suaire lorsqu'elle serait entrée dans le couvent où elle avait depuis longtemps marqué sa place, un couvent de carmélites muré au monde entier. Le repos, l'éternel repos. Telle qu'elle la voyait depuis 4 années, madame Caroline retrouva la princesse, vêtue de son éternelle robe noire, les cheveux cachés sous un fichu de dentelle, jolie encore à 39 ans, avec son visage rond aux dents de perles. Mais le teint jaune, la chair morte, comme après 10 ans de cloître. Et l'étroite pièce, pareille à un bureau d'huissier de province, s'était emplie d'un encombrement de paperasses plus inextricables encore, des plans, des mémoires, des dossiers, tout le papier gâché d'un gaspillage de 300 millions. « Madame, dit la princesse de sa voix douce et lente, qu'aucune émotion ne faisait plus trembler. « J'ai voulu vous apprendre une nouvelle qui m'a été apportée ce matin. Il s'agit de Victor, ce garçon que vous avez placé à l'œuvre du travail. » Le cœur de madame Caroline se mit à battre douloureusement. Ah, le misérable enfant, que son père n'était pas même allé voir, malgré ses formelles promesses, pendant les quelques mois qu'il avait connu son existence, avant d'être emprisonné à la conciergerie. Que deviendrait-il désormais? Et elle, qui se défendait de penser à Saccard, était continuellement ramenée à lui, bouleversée dans sa maternité d'adoption. « Il s'est passé hier des choses terribles, » continua la princesse. « Tout un crime que rien ne saurait réparer. » Et elle conta, de son air glacé, une épouvantable aventure. Depuis 3 jours, Victor s'était fait mettre à l'infirmerie en alléguant des douleurs de tête insupportables. Le médecin avait bien flairé une simulation de paresseux, mais l'enfant était réellement ravagé par des névralgies fréquentes. Or, cet après-midi, Alice de Beauvilliers se trouvait à l'œuvre, sans sa mère, venue pour aider la sœur de service à l'inventaire trimestriel de l'armoire aux remèdes. Cette armoire était dans la pièce qui séparait les deux dortoirs, celui des filles de celui des garçons, où il n'y avait en ce moment que Victor, couché, occupant un des lits. Et la sœur, s'étant absentée quelques minutes, avait eu la surprise de ne pas retrouver Alice, si bien qu'après avoir attendu un instant, elle s'était mise à la chercher. Son étonnement avait grandi en constatant que la porte du dortoir des garçons venait d'être fermée en dedans. Que se passait-il donc? Il lui avait fallu faire le tour par le couloir, et elle restait béante, terrifiée, par le spectacle qui s'offrait à elle. La jeune fille, à demi étranglée, une serviette nouée sur son visage pour étouffer ses cris, ses jupes en désordre relevées, étalant sa nudité pauvre de vierge chlorotique, violentée, souillée avec une brutalité immonde. Par terre gisait un porte-monnaie vide. Victor avait disparu. Et la scène se reconstruisait. Alice, appelée peut-être, entrant pour donner un bol de lait à ce garçon de 15 ans, velu comme un homme, puis la brusque fin du monstre pour cette chair frêle, ce cou trop long, le saut du mâle en chemise, la fille étouffée, jetée sur le lit ainsi qu'une loque, violée, volée, et les vêtements passés à la hâte et la fuite. Mais que de points obscurs! Que de questions stupéfiantes et insolubles! Comment n'avait-on rien entendu? Pas un bruit de lutte, pas une plainte. Comment de si effroyables choses s'étaient-elles passées si vite? 10 minutes à peine. Et surtout, comment Victor avait-il pu se sauver, s'évaporer pour ainsi dire, sans laisser de traces? Car après les plus minutieuses recherches, on avait acquis la certitude qu'il n'était plus dans l'établissement. Il devait s'être enfui par la salle de bain donnant sur le corridor, et dont une fenêtre ouvrait au-dessus d'une série de toits étagés allant jusqu'au boulevard. Et encore, un tel chemin offrait de si grands périls que beaucoup se refusaient à croire qu'un être humain avait pu le suivre. Ramenée chez sa mère, Alice gardait le lit, meurtrie, éperdue, sanglotante, secouée d'une intense fièvre. Madame Caroline écouta ce récit dans un saisissement tel qu'il lui semblait que tout le sang de son cœur se glaçait. Un souvenir s'était éveillé, l'épouvantait d'un affreux rapprochement. Saccard, autrefois, prenant la misérable Rosalie sur une marche, lui démettant l'épaule au moment de la conception de cet enfant, qui en avait gardé comme une joue écrasée. Et aujourd'hui, Victor violentant à son tour la première fille que le sort lui livrait. Quelle inutile cruauté! Cette jeune fille si douce, la fin désolée d'une race qui était sur le point de se donner à Dieu, ne pouvant avoir un mari comme toutes les autres. Avait-elle donc un sens, cette rencontre imbécile et abominable? Pourquoi avoir brisé ceci contre cela? « Je ne veux vous adresser aucun reproche, madame, » conclut la princesse, « car il serait injuste de faire remonter jusqu'à vous la moindre responsabilité. Seulement, vous aviez vraiment là un protégé bien terrible. » Et, comme si une liaison d'idées avait lieu en elle, inexprimée, elle ajouta, « On ne vit pas impunément dans certains milieux. Moi-même, j'ai eu les plus grands troubles de conscience. Je me suis sentie complice lorsque, dernièrement, cette banque a croulé en amoncelant tant de ruines et tant d'iniquités. Oui, je n'aurais pas dû consentir à ce que ma maison devint le berceau d'une abomination pareille. Enfin, le mal est fait. La maison sera purifiée et moi, oh moi, je ne suis plus. Dieu me pardonnera. » Son pâle sourire d'espoir, enfin réalisé, avait reparu. Elle disait d'un geste sa sortie du monde, sa disparition à jamais de bonne déesse invisible. Madame Caroline lui avait saisi les mains, les serrait, les baisait, tellement bouleversée de remords et de pitié qu'elle bégayait des paroles sans suite. « Vous avez tort de m'excuser, je suis coupable. » Cette malheureuse enfant, je veux la voir. Je cours tout de suite la voir. » Et elle s'en alla, laissant la princesse et sa vieille bonne Sophie commencer leur paquet pour le grand départ qui devait les séparer après 40 ans de vie commune. L'avant-veille, le samedi, la comtesse de Beauvilliers s'était résignée à abandonner son hôtel à ses créanciers. Depuis 6 mois qu'elle ne payait plus les intérêts des hypothèques, la situation était devenue intolérable, au milieu des frais de toutes sortes, dans la continuelle menace d'une vente judiciaire. Et son avoué lui avait donné le conseil de lâcher tout, de se retirer au fond d'un petit logement où elle vivrait sans dépenses, tandis qu'il tâcherait de liquider les dettes. Elle n'aurait pas cédé. Elle se serait obstinée peut-être à garder son rang, son mensonge de fortune intact jusqu'à l'anéantissement de sa race sous l'écroulement des plafonds, sans un nouveau malheur qui l'avait terrassé. Son fils Ferdinand, le dernier des Beauvilliers, l'inutile jeune homme, écarté de tout emploi, devenu zouave pontifical pour échapper à sa nullité et à son oisiveté, était mort à Rome, sans gloire, si pauvre de sang, si éprouvé par le soleil trop lourd, qu'il n'avait pu se battre à Montana, déjà fiévreux, la poitrine prise. Alors, en elle, Il y avait eu un brusque vide, un effondrement de toutes ses idées, de toutes ses volontés de l'échafaudage laborieux, qui, depuis tant d'années, soutenait si fièrement l'honneur du nom. 24 heures suffirent. La maison s'était lézardée. La misère apparut, navrante, parmi les décombres. On vendit le vieux cheval. La cuisinière seule resta, fit son marché en tablier sale, 2 sous de beurre et 1 litre de haricots secs. La comtesse fut aperçue sur le trottoir en robe crottée, ayant aux pieds des bottines qui prenaient l'eau. C'était l'indigence du soir au lendemain. Le désastre emportait jusqu'à l'orgueil de cette croyante des jours d'autrefois, en lutte contre son siècle. Et elle s'était réfugiée avec sa fille rue de la Tour des Dames, chez une ancienne marchande à la toilette, devenue dévote, qui sous-louait des chambres meublées à des prêtres. Là, elles habitaient toutes deux dans une grande chambre nue, d'une misère digne et triste, dont une alcôve fermée occupait le fond. 2 petits lits emplissaient l'alcôve, et lorsque les châssis, tendus du même papier que les murs, étaient clos, la chambre se transformait en salon. Cette disposition heureuse les avait un peu consolés. Mais il n'y avait pas 2 heures que la comtesse de Beauvilliers était installée, le samedi, lorsqu'une visite inattendue, extraordinaire, l'avait rejetée dans une nouvelle angoisse. Alice, heureusement, venait de descendre pour une course. C'était Bush, avec sa face plate et sale, sa redingote graisseuse, sa cravate blanche roulée en corde, qui, averti sans doute par son flair de la minute favorable, se décidait enfin à réaliser sa vieille affaire de la reconnaissance de 10 000 francs, signée par le comte à la fille Léonie Cron. D'un coup d'œil sur le logis, il avait jugé la situation de la veuve. Aurait-il tardé trop longtemps? Et, en homme capable d'urbanité et de patience, il avait longuement expliqué le cas à la comtesse effarée. C'était bien, n'est-ce pas, l'écriture de son mari, ce qui établissait nettement l'histoire, une passion du comte pour la jeune personne, une façon de la voir d'abord, puis de se débarrasser d'elle. Mais il ne lui avait pas caché que, légalement, et après 15 années bientôt, il ne la croyait pas forcée de payer. Seulement, il n'était, lui, que le représentant de sa cliente. Il la savait résolue à saisir les tribunaux, à soulever le plus effroyable des scandales si l'on ne transigeait pas. La comtesse, toute blanche, frappée au cœur par ce passé affreux qui ressuscitait, s'étant étonnée qu'on eût attendu si longtemps avant de s'adresser à elle, il avait inventé une histoire. La reconnaissance perdue, retrouvée au fond d'une malle. Et, comme elle refusait définitivement d'examiner l'affaire, il s'en était allé, toujours très poli, en disant qu'il reviendrait avec sa cliente. Pas le lendemain, parce que celle-ci ne pouvait guère quitter le dimanche la maison où elle travaillait, mais certainement le lundi ou le mardi. Le lundi, au milieu de l'épouvantable aventure arrivée à sa fille depuis qu'on la lui avait ramenée délirante et qu'elle la veillait, les yeux aveuglés de larmes, la comtesse de Beauvilliers ne songeait plus à cet homme mal mis et à sa cruelle histoire. Enfin, Alice venait de s'endormir, la mère s'était assise, épuisée, écrasée par cet acharnement du sort, quand Bush, de nouveau, se présenta, accompagné cette fois de Léonide. « Madame, voici ma cliente, et il va falloir en finir. » Devant l'apparition de la fille, la comtesse avait frémi. Elle la regardait, habillée de couleur crue, avec ses durs cheveux noirs tombant sur les sourcils, sa face large et molle, la bassesse immonde de toute sa personne, usée par 10 années de prostitution. Et elle était torturée, elle saignait dans son orgueil de femme, après tant d'années de pardon et d'oubli. C'était, mon Dieu, pour des créatures destinées à de telles chutes que le comte la trahissait. « Il faut en finir, » insista Bush, « parce que ma cliente est très tenue, Ruffedo. »« Ruffedo, » répéta la comtesse sans comprendre. « Oui, elle est là, enfin, elle est là en maison. » Éperdue, les mains tremblantes, la comtesse alla fermer complètement l'alcôve dont un seul des vantaux était poussé. Alice, dans sa fièvre, venait de s'agiter sous la couverture. Pourvu qu'elle se rendormît, qu'elle ne vit pas, qu'elle n'entendit pas. Bush déjà reprenait. « Voilà, madame, comprenez bien. Mademoiselle m'a chargée de son affaire et je la représente simplement. C'est pourquoi j'ai voulu qu'elle vînt en personne expliquer sa réclamation. Allons, Léonide, expliquez-vous. » Inquiète, mal à l'aise dans ce rôle qu'il lui faisait jouer, celle-ci levait sur lui ses gros yeux troubles de chien battu. Mais l'espoir des 1000 francs qu'il lui avait promis la décida. Et de sa voix rauque, éraillée par l'alcool, tandis que lui de nouveau dépliait et étalait la reconnaissance du comte, « C'est bien ça, c'est le papier que Monsieur Charles m'a signé. J'étais la fille du charretier à Acron le Cocu, comme on disait, vous savez bien, madame. » Et alors, Monsieur Charles était toujours pendu à mes jupes, à me demander des saletés. Moi, ça m'ennuyait. Quand on est jeune, n'est-ce pas, on ne sait rien, on n'est pas gentil pour les vieux. Et alors, Monsieur Charles m'a signé le papier, un soir qu'il m'avait emmené dans l'écurie. Debout, crucifié, la comtesse l'a laissé dire. Lorsqu'il lui sembla entendre une plainte dans l'alcôve, elle eut un geste d'angoisse. « Taisez-vous !» Mais Léonide était lancé, voulait finir. « Ce n'est guère honnête, tout de même, lorsqu'on ne veut pas payer, d'aller débaucher une petite fille sage. Oui, madame, votre monsieur Charles était un voleur. C'est ce qu'en pensent toutes les femmes à qui je raconte ça. Et je vous réponds que ça valait bien l'argent. « Taisez-vous ! Taisez-vous !» cria furieusement la comtesse, les deux bras en l'air, comme pour l'écraser si elle continuait. Léonie eut peur, leva le coude afin de se protéger la figure dans le mouvement instinctif des filles habituées aux gifles. Et un effrayant silence régna, durant lequel il sembla qu'une nouvelle plainte, un petit bruit étouffé de larmes, venait de l'alcôve. « Enfin, que voulez-vous ? » reprit la comtesse, tremblante, baissant la voix. Ici, Bush intervint. « Mais, madame, cette fille veut qu'on la paie, et elle a raison, la malheureuse, de dire que monsieur le comte de Beauvilliers a fort mal agi avec elle. C'est de l'escroquerie, simplement. Jamais je ne paierai une pareille dette. » Alors, nous allons prendre une voiture en sortant d'ici et nous rendre au palais, où je déposerai la plainte que j'ai rédigée d'avance et que voici. Tous les faits que mademoiselle vient de vous dire y sont relatés. Monsieur, c'est un abominable chantage. Vous ne ferez pas cela. Je vous demande pardon, madame. Je vais le faire à l'instant. Les affaires sont les affaires. Une fatigue immense, un suprême découragement envahit la comtesse. Le dernier orgueil qui la tenait debout venait de se briser. Et toute sa violence, toute sa force tomba. Elle joignit les mains, elle bégayait. « Mais vous voyez où nous en sommes. Regardez donc cette chambre. Nous n'avons plus rien demain peut-être, il ne nous restera pas de quoi manger. Où voulez-vous que je prenne de l'argent ? 10 000 francs, mon Dieu !» Bush eut un sourire d'homme accoutumé à pêcher dans ces ruines. « Oh, les dames comme vous ont toujours des ressources. En cherchant bien, on trouve. » Depuis un moment, il guettait sur la cheminée un vieux coffret à bijoux que la comtesse avait laissé là le matin en achevant de vider une malle. Et il flairait des pierreries avec la certitude de l'instinct. Son regard brilla d'une telle flamme qu'elle en suivit la direction et comprit. « Non, non » cria-t-elle. « Les bijoux, jamais !» et elle saisit le coffret comme pour le défendre. Ses derniers bijoux, depuis si longtemps dans la famille, ces quelques bijoux qu'elle avait gardés au travers des plus grandes gênes, comme l'unique dot de sa fille, et qui restaient à cette heure sa suprême ressource. « Jamais, j'aimerais mieux donner de ma chair !» Mais à cette minute, il y eut une diversion. Madame Caroline frappa et entra. Elle arrivait, bouleversée. Elle demeura saisie de la scène au milieu de laquelle elle tombait. D'un mot, elle avait prié la comtesse de ne point se déranger, et elle serait partie, sans un geste suppliant de celle-ci qu'elle crut comprendre, immobile au fond de la pièce. Elle s'effaça. Bush venait de remettre son chapeau, tandis que, de plus en plus mal à l'aise, Léonide gagnait la porte. « Alors, madame, il ne nous reste donc qu'à nous retirer. » Pourtant, il ne se retirait pas. Il reprit toute l'histoire en termes plus honteux, comme s'il avait voulu humilier encore la comtesse devant la nouvelle venue, cette dame qu'il affectait de ne pas reconnaître, selon son habitude quand il était en affaires. « Adieu, madame, nous allons de ce pas au parquet. Le récit détaillé sera dans les journaux avant 3 jours. C'est vous qui l'aurez voulu. » Dans les journaux, cet horrible scandale sur les ruines même de sa maison. Ce n'était donc pas assez de voir tomber en poudre l'antique fortune. Il fallait que tout croulât dans la boue. Ah, que l'honneur du nom au moins fût sauvé. Et d'un mouvement machinal, elle ouvrit le coffret. Les boucles d'oreilles, le bracelet, 3 bagues apparurent, des brillants et des rubis, avec leurs montures anciennes. Bush vivement s'était approché. Ses yeux s'attendrissaient d'une douceur de caresse. « Oh, il n'y en a pas pour 10 000 francs. Permettez que je voie. » Déjà, un à un, il prenait les bijoux, les retournait, les élevait en l'air, de ses gros doigts tremblants d'amoureux, avec sa passion sensuelle des pierreries. La pureté des rubis, surtout, semblait le jeter dans une extase. Et ces brillants anciens, si la taille en est parfois maladroite, quelle eau merveilleuse. « 6 000 francs, dit-il d'une voix de commissaire-priseur, cachant son émotion sous ce chiffre d'estimation totale. « Je ne compte que les pierres, les montures sont bonnes à fondre. Enfin, nous nous contenterons de 6 000 francs. » Mais le sacrifice était trop rude pour la comtesse. Elle eut un réveil de violence. Elle lui reprit les bijoux, les serra dans ses mains convulsées. Non, non, c'était trop d'exiger d'elle qu'elle jetât encore au gouffre ces quelques pierres que sa mère avait portées, que sa fille devait porter le jour de son mariage. Et des larmes brûlantes jaillirent de ses yeux, ruisselèrent sur ses joues, dans une telle douleur tragique que Léonide, le cœur touché, éperdu d'apitoiement, se mit à tirer Bush par sa redingote pour le forcer de partir. Elle voulait s'en aller. Ça la bousculait à la fin de faire tant de peine à cette pauvre vieille dame qui avait l'air si bon. Bush, très froid, suivait la scène, certain maintenant de tout emporter, sachant par sa longue expérience que les crises de larmes chez les femmes annoncent la débâcle de la volonté. Et il attendait. Peut-être l'affreuse scène se serait-elle prolongée si, à ce moment, une voix lointaine, étouffée, n'avait éclaté en sanglots. C'était Alice qui criait du fond de l'alcôve. « Oh, maman, ils me tuent, donne-leur tout, qu'ils emportent tout. Oh, maman, qu'ils s'en aillent, ils me tuent, ils me tuent. » Alors, la comtesse eut un geste d'abandon désespéré, un geste dans lequel elle aurait donné sa vie. Sa fille avait entendu, sa fille se mourait de honte, et elle jeta les bijoux à Bush, et elle lui laissa à peine le temps de poser sur la table, en échange, la reconnaissance du comte, le poussant dehors, derrière Léonide déjà disparu. Puis, elle rouvrit l'alcôve, elle alla s'abattre sur l'oreiller d'Alice, toutes les deux achevées, anéanties, mêlant leurs larmes. Madame Caroline, révoltée, avait été un moment sur le point d'intervenir. Laisserait-elle donc le misérable dépouiller ainsi ces deux pauvres femmes ? Mais elle venait d'entendre l'ignoble histoire. Et que faire pour éviter le scandale ? Car elle le savait, homme à aller jusqu'au bout de ses menaces. Elle-même resterait honteuse devant lui, dans la complicité des secrets qu'il y avait entre eux. Ah, que de souffrance, que d'ordure ! Une gêne l'envahissait. Qu'était-elle accourue faire là, puisqu'elle ne trouvait ni une parole à dire, ni un secours à donner ? Toutes les phrases qui lui montaient aux lèvres, les questions, les simples allusions au sujet du drame de la veille, lui semblaient blessantes, salissantes, impossibles à risquer devant la victime, égarée encore, agonisant de sa souillure. Et quel secours aurait-elle laissé, qui n'aurait paru une aumône dérisoire ? Elle, ruinée également, embarrassée déjà pour attendre l'issue du procès. Enfin, elle s'avança, les yeux pleins de larmes, les bras ouverts, dans une infinie pitié, un attendrissement éperdu dont elle tremblait toute. Au fond de la banale alcôve d'hôtel meublé, ces deux misérables créatures effondrées, finies, c'était tout ce qui restait de l'antique race des Beauvilliers, autrefois si puissante, souveraine. Elle avait eu des terres aussi grandes qu'un royaume, 20 lieues de la Loire lui avaient appartenu, des châteaux, des prairies, des labours, des forêts. Puis, cette immense fortune domaniale, peu à peu s'en était allée avec les siècles en marche. Et la comtesse venait d'engloutir la dernière épave dans une de ces tempêtes de la spéculation moderne, où elle n'entendait rien. D'abord ses 20 000 francs d'économie, épargnés sou par sou pour sa fille, puis les 60 000 francs empruntés sur les oblés, puis cette ferme tout entière. L'hôtel de la rue Saint-Lazare ne paierait pas les créanciers. Son fils était mort, loin d'elle, et sans gloire. On lui avait ramené sa fille blessée, salie par un bandit. Comme on remonte, saignant et couvert de boue, un enfant qu'une voiture vient d'écraser. Et la comtesse, si noble naguère, mince, haute, toute blanche, avec son grand air suranné, n'était plus qu'une pauvre vieille femme détruite, cassée par cette dévastation. Tandis que, sans beauté, sans jeunesse, montrant la disgrâce de son cou trop long, dans le désordre de sa chemise, Alice avait des yeux de folle où se lisait la mortelle douleur de son dernier orgueil, sa virginité violentée. Et toutes deux, elles sanglotaient toujours, elles sanglotaient sans fin. Alors, Madame Caroline ne prononça pas un mot, les prit simplement toutes deux, les serra étroitement sur son cœur. Elle ne trouvait rien autre chose. Elle pleurait avec elle. Et les deux malheureuses comprirent. Leurs larmes redoublèrent, plus douces. Et s'il n'y avait pas de consolation possible, ne faudrait-il pas vivre encore ? Vivre quand même ? Lorsque Madame Caroline fut de nouveau dans la rue, elle aperçut Bush en grande conférence avec la Méchain. Il avait arrêté une voiture. Il y poussa Léonide et disparut. Mais comme Madame Caroline se hâtait, la Méchain marcha droit à elle. Sans doute elle la guettait, car tout de suite elle lui parla de Victor, en personne renseignée déjà sur ce qui s'était passé la veille à l'œuvre du travail. Depuis que sa carre avait refusé de payer les 4 000 francs, elle ne décolérait pas. Elle s'ingéniait à chercher de quelle façon elle pourrait encore exploiter l'affaire. Et elle venait ainsi d'apprendre l'histoire au boulevard Binot, où elle se rendait fréquemment dans l'espoir de quelque incident profitable. Son plan devait être fait. Elle déclara à Madame Caroline qu'elle allait immédiatement se mettre en quête de Victor. Ce malheureux enfant, c'était trop terrible de l'abandonner de la sorte à ses mauvais instincts. Il fallait le reprendre, si l'on ne voulait pas le voir un beau matin en cour d'assises. Et tandis qu'elle parlait, ses petits yeux, perdus dans la graisse de son visage, fouillaient la bonne dame, heureuse de la sentir bouleversée, se disant que le jour où elle aurait retrouvé le gamin, elle continuerait à tirer d'elle des pièces de 100 sous. « Alors, madame, c'est entendu, je vais m'en occuper. Dans le cas où vous désireriez avoir des nouvelles, ne prenez pas la peine de courir là-bas, rue Marcadet. Montez simplement chez Monsieur Bush, rue Feydeau, où vous êtes certaine de me rencontrer tous les jours, vers 4 heures. » Madame Caroline rentra rue Saint-Lazare, tourmentée d'une anxiété nouvelle. C'était vrai, ce monstre, lâché par le monde, errant et traqué, quelle hérédité du mal allait-il assouvir au travers des foules comme un loup dévorateur? Elle déjeuna rapidement, elle prit une voiture, ayant le temps de passer boulevard Binot avant d'aller à la conciergerie, brûlée du désir d'avoir des renseignements tout de suite. Puis, en chemin, dans le trouble de sa fièvre, une idée s'empara d'elle, la domina. Se rendre d'abord chez Maxime, l'emmener à l'œuvre, le forcer à s'occuper de Victor, dont il était le frère après tout. Lui seul restait riche, lui seul pouvait intervenir, s'occuper de l'affaire d'une façon très efficace. Mais, avenue de l'impératrice, dans le vestibule du petit hôtel luxueux, Madame Caroline se sentit glacée. Des tapissiers enlevaient les teintures et les tapis. Des domestiques mettaient des housses aux sièges et aux lustres, tandis que de toutes les jolies choses remuées sur les meubles, sur les étagères, s'exhalait un parfum mourant, ainsi que d'un bouquet jeté au lendemain d'un bal. Et au fond de la chambre à coucher, elle trouva Maxime, entre deux énormes mâles que le valet de chambre achevait d'emplir de tout un trousseau merveilleux, riche et délicat comme pour une mariée. En l'apercevant, ce fut lui qui parla le premier, très froid, la voix sèche. « Ah, c'est vous? Vous tombez bien, ça m'évitera de vous écrire. J'en ai assez, et je pars. » « Comment, vous partez ?»« Oui, je pars ce soir. » Je vais m'installer à Naples, où je passerai l'hiver. » Puis, lorsqu'il eut d'un geste renvoyé le valet de chambre, « Si vous croyez que ça m'amuse d'avoir depuis 6 mois un père à la conciergerie, je ne vais certainement pas rester pour le voir en correctionnel, moi qui déteste les voyages. Enfin, il fait beau là-bas. J'emporte à peu près l'indispensable. Je ne m'ennuierai peut-être pas trop. » Elle le regardait, si correcte, si jolie. Elle regardait les mâles, débordantes, où pas un chiffon d'épouse ni de maîtresse ne traînait, où il n'y avait que le culte de lui-même. Et elle osa pourtant se risquer. « Moi qui venais encore vous demander un service. » Puis elle conta l'histoire. Victor bandit, violent et volant. Victor en fuite, capable de tous les crimes. « Nous ne pouvons l'abandonner. « Accompagnez-moi, unissons nos efforts. » Il ne la laissa pas finir. Livide, pris d'un petit tremblement de peur, comme s'il avait senti quelque main meurtrière et sale se poser sur son épaule. Ah bien, il ne manquait plus que ça. Un père voleur, un frère assassin. J'ai trop tardé. Je voulais partir la semaine dernière. Mais c'est abominable, abominable de mettre un homme tel que moi dans une situation pareille. Alors, comme elle insistait, il devint insolent. « Laissez-moi tranquille, vous. Puisque ça vous amuse, cette vie de chagrin, restez-y. Je vous avais prévenu, c'est bien fait si vous pleurez. Mais moi, voyez-vous, plutôt que de donner un de mes cheveux, je balayerai au ruisseau tout ce vilain monde. » Elle s'était levée. « Adieu, donc. Adieu. » Et en se retirant, elle le vit qui rappelait le valet de chambre et qui assistait au soigneux emballage de son nécessaire de toilette, un nécessaire dont toutes les pièces en vermeil étaient du plus galant travail, la cuvette surtout, gravée d'une ronde d'amour. Pendant que celui-ci s'en allait vivre d'oubli et de paresse sous le clair soleil de Naples, elle eut brusquement la vision de l'autre, rôdant un soir de noir dégel, affamé, un couteau au poing, dans quelque ruelle écartée de la Villette ou de Charonne. N'était-ce pas la réponse à cette question, de savoir si l'argent n'est point l'éducation, la santé, l'intelligence? Puisque la même boue humaine reste dessous, toute la civilisation se réduit-elle à cette supériorité de sentir bon et de bien vivre? Lorsqu'elle arriva à l'œuvre du travail, Madame Caroline éprouva une singulière sensation de révolte contre le luxe énorme de l'établissement. À quoi bon ces deux ailes majestueuses, le logis des garçons et le logis des filles, reliés par le pavillon monumental de l'administration? À quoi bon les préaux, grands comme des parcs, les faïences des cuisines, les marbres des réfectoires, les escaliers, les couloirs, vastes à desservir un palais? À quoi bon toute cette charité grandiose, si l'on ne pouvait, dans ce milieu large et salubre, redresser un être malvenu, faire d'un enfant perverti un homme bien portant, ayant la droite raison de la santé? Tout de suite, elle se rendit chez le directeur, le pressa de questions, voulut connaître les moindres détails. Mais le drame restait obscur. Il ne put que lui répéter ce qu'elle savait déjà par la princesse. Depuis la veille, les recherches avaient continué dans la maison et aux alentours, sans amener le moindre résultat. Victor, déjà, était loin, galopé là-bas, par la ville, au fond de l'effrayant inconnu. Il ne devait pas avoir d'argent, car le porte-monnaie d'Alice, qu'il avait vidé, ne contenait que 3 francs 4 sous. Le directeur avait d'ailleurs évité de mettre la police dans l'affaire, pour épargner à ces pauvres dames de Beauvilliers le scandale public. Et Madame Caroline l'en remercia, promit qu'elle-même ne ferait aucune démarche à la préfecture, malgré son ardent désir de savoir. Puis, désespérée de s'en aller aussi ignorante qu'elle était venue, elle eut l'idée de monter à l'infirmerie pour interroger les sœurs. Mais elle n'en tira non plus aucun renseignement précis, et elle ne goûta en haut, dans la petite pièce calme qui séparait le dortoir des filles de celui des garçons, que quelques minutes de profond apaisement. Un joyeux vacarme montait, c'était l'heure de la récréation. Elle se sentit injuste pour les guérisons heureuses, obtenues par le grand air, le bien-être et le travail. Il y avait certainement là des hommes sains et forts qui poussaient. Un bandit sur 4 ou 5 honnêtetés moyennes, que cela serait beau encore dans les hasards qui aggravent ou qui amoindrissent les tares héréditaires. Et Madame Caroline, laissée seule un instant par la sœur de service, s'approchait de la fenêtre pour voir les enfants jouer en bas, lorsque des voix cristallines de petites filles dans l'infirmerie voisine l'attirèrent. La porte se trouvait à demi ouverte, elle put assister à la scène sans être remarquée. C'était une pièce très gaie, cette infirmerie blanche, aux murs blancs, avec les 4 lits drapés de rideaux blancs. Une large nappe de soleil dorait cette blancheur, toute une floraison de lys au milieu de l'air tiède. Dans le premier lit, à gauche, elle reconnut très bien Madeleine, la fillette qui était déjà là, convalescente, mangeant des tartines de confiture, le jour où elle avait amené Victor. Toujours elle retombait malade, dévastée par l'alcoolisme de sa race, si pauvre de sang qu'avec ses grands yeux de femme faite, elle était mince et blanche comme une sainte de vitrail. Elle avait 13 ans, seule au monde désormais, sa mère étant morte, un soir de soûlerie, d'un coup de pied dans le ventre, qu'un homme lui avait allongé pour ne pas lui donner les 6 sous dont ils étaient convenus. Et c'était elle, dans sa longue chemise blanche, agenouillée au milieu de son lit, avec ses cheveux blonds dénoués sur les épaules, qui enseignait une prière à 3 petites filles occupant les 3 autres lits. « Joignez vos mains comme ça, ouvrez votre cœur tout grand. » Les 3 petites filles étaient, elles aussi, agenouillées au milieu de leurs draps. 2 avaient de 8 à 10 ans, la 3e n'en avait pas 5. Dans les longues chemises blanches, avec leurs frêles mains jointes, leurs visages sérieux et extasiés, on aurait dit de petits anges. et vous allez répéter après moi ce que je vais dire. Écoutez bien. Mon Dieu, faites que Monsieur Saccard soit récompensé de sa bonté, qu'il ait de longs jours et qu'il soit heureux. » Alors, avec des voix de chérubins, un zézément d'une maladresse adorable d'enfance, les quatre fillettes répétèrent ensemble, dans un élan de foi où tout leur petit être pur se donnait. « Mon Dieu, faites que Monsieur Saccard soit récompensé de sa bonté, qu'il ait de longs jours et qu'il soit heureux. » D'un mouvement emporté, Madame Caroline allait entrer dans la pièce, faire taire ses enfants, leur défendre ce qu'elle regardait comme un jeu blasphématoire et cruel. Non, non, Saccard n'avait pas le droit d'être aimé. C'était salir l'enfance que de la laisser prier pour son bonheur. Puis, un grand frisson l'arrêta. Des larmes lui montaient aux yeux. Pourquoi donc aurait-elle fait épouser sa querelle, la colère de son expérience, à ces êtres innocents, ne sachant rien encore de la vie? Est-ce que Saccard n'avait pas été bon pour eux, lui qui était un peu le créateur de cette maison, qui leur envoyait tous les mois des jouets? Un trouble profond l'avait saisie. Elle retrouvait cette preuve qu'il n'y a point d'homme condamnable, qui, au milieu de tout le mal qu'il a pu faire, n'ait encore fait beaucoup de bien. Et elle partit, pendant que les fillettes reprenaient leurs prières. Elle emporta dans son oreille ces voix angéliques, appelant les bénédictions du ciel sur l'homme d'inconscience et de catastrophe, dont les mains folles venaient de ruiner un monde. Comme elle quittait enfin son fiacre, boulevard du Palais, devant la conciergerie, elle s'aperçut que, dans son émotion, elle avait oublié, chez elle, la botte d'œillet qu'elle avait préparée le matin pour son frère. Une marchande était là, vendant des petits bouquets de roses de 2 sous, et elle en prit un. Et elle fit sourire à Melun, qui adorait les fleurs, lorsqu'elle lui conta son étourderie. Ce jour-là, pourtant, elle le trouva triste. D'abord, pendant les premières semaines de son emprisonnement, il n'avait pu croire à des charges sérieuses contre lui. Sa défense lui semblait si simple. On ne l'avait nommé président que contre son gré. Il était resté en dehors de toutes les opérations financières, presque toujours absent de Paris, ne pouvant exercer aucun contrôle. Mais les conversations avec son avocat, les démarches que faisait Madame Caroline et dont elle lui disait l'inutile fatigue, lui avaient ensuite fait entrevoir les effrayantes responsabilités qui l'accablaient. Il allait être solidaire des moindres illégalités commises. Jamais on n'admettrait qu'il en ignorât une seule. Saccard l'entraînait dans une déshonorante complicité. Et ce fut alors qu'il dut à sa foi, un peu simple de catholique pratiquant, une résignation, une tranquillité d'âme qui étonnait sa sœur. Quand elle arrivait du dehors, de ses courses anxieuses, de cette humanité en liberté, si trouble et si dure, elle restait saisie de le voir paisible, souriant dans sa cellule nue, où il avait, en grand enfant pieux, cloué 4 images de sainteté, coloriées violemment autour d'un petit crucifix de bois noir. Dès qu'on se met dans la main de Dieu, il n'y a plus de révolte. Toute souffrance imméritée est un gage de salut. Son unique tristesse, parfois, venait de l'arrêt désastreux de ses grands travaux. Qui reprendrait son œuvre? Qui continuerait la résurrection de l'Orient, si heureusement commencée par la Compagnie Générale des Paquebots Réunis et par la Société des Mines d'Argent du Carmel? Qui construirait le réseau de lignes ferrées de Brousse à Beyrouth et à Damas, de Smyrne à Trébizonde, toute cette circulation de sang jeune dans les veines du vieux monde? Là, d'ailleurs encore, il croyait, il disait que l'œuvre entreprise ne pouvait mourir. Il n'éprouvait que la douleur de n'être plus celui que le ciel avait élu pour l'exécuter. Surtout, sa voix se brisait lorsqu'il cherchait en punition de quelle faute Dieu ne lui avait pas permis de réaliser la grande banque catholique destinée à transformer la société moderne, ce trésor de Saint-Sépulcre qui rendrait un royaume au pape et qui finirait par faire une seule nation de tous les peuples en enlevant aux Juifs la puissance souveraine de l'argent. Il la prédisait aussi, cette banque, inévitable, invincible. Il annonçait le juste aux mains pures qui la fonderait un jour. Et si, cet après-midi-là, il semblait soucieux, ce devait être simplement que, dans sa sérénité de prévenu dont on allait faire un coupable, il avait songé que jamais, au sortir de prison, il n'aurait les mains assez nettes pour reprendre la grande besogne. D'une oreille distraite, il écouta sa sœur lui expliquer que, dans les journaux, l'opinion lui paraissait lui redevenir un peu plus favorable. Puis, sans transition, la regardant de ses yeux de dormeur éveillé, « Pourquoi refuses-tu de le voir ?» Elle frémit. Elle comprit bien qu'il lui parlait de Saccard. D'un geste de tête, elle dit non, encore non. Alors, il se décida, confus, à voix très basse. « Après ce qu'il a été pour toi, tu ne peux refuser, va le voir !» Mon Dieu, il savait. Elle fut envahie d'une ardente rougeur. Elle se jeta dans ses bras pour cacher son visage. Et elle bégayait, demandait qui avait pu lui dire, comment il savait cette chose qu'elle croyait ignorée de lui surtout. Ma pauvre Caroline, il y a longtemps, des lettres anonymes de vilaines gens qui nous jalousaient. Jamais je ne t'en ai parlé. Tu es libre. Nous ne pensons plus de même. Je sais que tu es la meilleure femme de la terre. Va le voir. » Et gaiement, retrouvant son sourire, il reprit le petit bouquet de roses qu'il avait déjà glissé derrière le crucifix. Il le lui remit dans la main en ajoutant « Tiens, porte-lui ça et dis-lui que je ne lui en veux pas non plus. » Madame Caroline, bouleversée de cette tendresse si pitoyable de son frère, dans la honte affreuse et le délicieux soulagement qu'elle éprouvait à la fois, ne résista pas davantage. Du reste, depuis le matin, la sourde nécessité de voir Saccard s'imposait à elle. Pouvait-elle ne pas l'avertir de la fuite de Victor, de l'atroce aventure dont elle était encore toute tremblante? Dès le premier jour, il l'avait fait inscrire parmi les personnes qu'il désirait recevoir. Et elle n'eut qu'à dire son nom. Un gardien la conduisit tout de suite à la cellule du prisonnier. Lorsqu'elle entra, Saccard tournait le dos à la porte, assis devant une petite table, couvrant de chiffres une feuille de papier. Il se leva vivement, il eut un cri de joie. « Vous ! Oh, que vous êtes bonne et que je suis heureux !» Il lui avait pris une main entre les deux siennes. Elle souriait d'un air embarrassé, très ému, ne trouvant pas la parole qu'il aurait fallu dire. Puis, de sa main restée libre, elle posa son petit bouquet de dessous parmi les feuilles sabrées de chiffres qui encombraient la table. « Vous êtes un ange !» murmura-t-il, ravi, en lui baisant les doigts. Enfin, elle parla. « C'est vrai, c'était fini, je vous avais condamné dans mon cœur. Mais mon frère veut que je vienne. » « Non, non, ne dites pas cela. Dites que vous êtes trop intelligente, que vous êtes trop bonne, et que vous avez compris, et que vous me pardonnez. » D'un geste, elle l'interrompit. « Je vous en conjure, ne me demandez pas tant. Je ne sais pas moi-même. Cela ne vous suffit-il pas que je sois venue? Et puis, j'ai une chose bien triste à vous apprendre. » Alors, d'un trait, à demi-voix, elle lui conta le sauvage réveil de Victor, son attentat sur Mademoiselle de Beauvilliers, sa fuite extraordinaire, inexplicable, l'inutilité jusque-là de toutes les recherches, le peu d'espoir qu'on avait de le rejoindre. Il l'écoutait, saisi, sans une question, sans un geste. Et quand elle se tut, deux grosses larmes gonflèrent ses yeux, ruisselèrent sur ses joues pendant qu'il bégayait « Le malheureux, le malheureux !» Jamais elle ne l'avait vu pleurer. Elle en resta profondément émue et stupéfaite, tellement ses larmes de Saccard étaient singulières, grises et lourdes, venues de loin, d'un cœur durci, encrassée par des années de brigandage. Tout de suite, d'ailleurs, il se désespéra bruyamment. « Mais c'est épouvantable! Je ne l'ai seulement pas embrassé, moi, ce gamin! Car vous savez que je ne l'ai pas vu, mon Dieu! Oui, je m'étais bien juré d'aller le voir, et je n'ai pas eu le temps, pas une heure libre avec ces sacrées affaires qui me mangent. Ah, c'est bien toujours comme ça, lorsqu'on ne fait pas une chose tout de suite, on est certain de ne jamais la faire. Et alors, maintenant, vous êtes sûr que je ne puis pas le voir? On me l'amènerait ici. » Elle hocha la tête. Qui sait où il est à cette heure, dans l'inconnu de ce terrible Paris? Un instant encore, il se promena violemment en lâchant des lambeaux de phrases. On me retrouve cet enfant, et voilà, je le perds. Jamais je ne le verrai. Tenez, c'est que je n'ai pas de chance. Non, pas de chance du tout. Oh, mon Dieu, l'histoire est la même que pour l'universel. Il venait de se rasseoir devant la table et Madame Caroline prit une chaise en face de lui. Déjà, les mains errantes parmi les papiers, tout le dossier volumineux qu'il préparait depuis des mois, il entamait l'histoire du procès et l'exposait de ses moyens de défense comme s'il eût éprouvé le besoin de s'innocenter auprès d'elle. L'accusation lui reprochait le capital sans cesse augmenté pour enfiévrer les cours et pour faire croire que la société possédait l'intégralité de ses fonds, la simulation de souscriptions et de versements non effectués grâce aux comptes ouverts à Sabatini et aux autres hommes de paille, lesquels payaient seulement par des jeux d'écriture, la distribution de dividendes fictifs sous forme de libération des anciens titres, enfin, l'achat par la société de ses propres actions. Toute une spéculation effrénée qui avait produit la hausse extraordinaire et factice dont l'universel était morte, épuisée d'or. À cela, il répondait par des explications abondantes, passionnées. Il avait fait ce que fait tout directeur de banque. Seulement, il l'avait fait en grand, avec une carrure d'homme fort. Pas un des chefs des plus solides maisons de Paris qui n'aurait dû partager sa cellule si l'on s'était piqué d'un peu de logique. On le prenait pour le bouc émissaire des illégalités de tous. D'autre part, quelle étrange façon d'apprécier les responsabilités! Pourquoi ne poursuivait-on pas aussi les administrateurs, les Dégremont, les Huret, les Bohun, qui, outre leurs 50 000 francs de jetons de présence, touchaient le 10% sur les bénéfices et qui avaient trempé dans tous les tripotages? Pourquoi encore l'impunité complète dont jouissaient les commissaires censeurs, Lavinière entre autres, qui en étaient quittes pour alléguer leur incapacité et leur bonne foi? Évidemment, ce procès allait être la plus monstrueuse des iniquités, car on avait dû écarter la plainte en escroquerie de Bush, comme alléguant des faits non prouvés, et le rapport remis par l'expert, après un premier examen des livres, venait d'être reconnu plein d'erreurs. Alors, pourquoi la faillite, déclarée d'office à la suite de ces deux pièces, lorsque pas un sou des dépôts n'avait été détourné, et que tous les clients devaient rentrer dans leurs fonds? Était-ce donc qu'on voulait uniquement ruiner les actionnaires? Dans ce cas, on avait réussi. Le désastre s'aggravait, s'élargissait sans limite. Et ce n'était pas lui qui l'en accusait, c'était la magistrature, le gouvernement, tous ceux qui avaient comploté de le supprimer pour tuer l'universel. Ah, oh, les gredins, s'ils m'avaient laissé libre, vous auriez vu, vous auriez vu! Madame Caroline le regardait, saisie de son inconscience, qui en arrivait à une véritable grandeur. Elle se rappelait ses théories d'autrefois, la nécessité du jeu dans les grandes entreprises, où toute rémunération juste est impossible, la spéculation regardée comme l'excès humain, l'engrais nécessaire, le fumier sur lequel pousse le progrès. N'était-ce donc pas lui qui, de ses mains sans scrupules, avait chauffé l'énorme machine follement jusqu'à la faire sauter en morceaux et à blesser tous ceux qu'elle emportait avec elle? Ce cours de 3 000 francs, d'une exagération insensée, imbécile, n'était-ce pas lui qui l'avait voulu? Une société au capital de 150 millions et dont les 300 000 titres côté 3 000 francs représente 900 millions, cela pouvait-il se justifier? N'y avait-il pas un danger effroyable dans la distribution du colossal dividende qu'une pareille somme engagée exigeait au simple taux de 5%? Mais il s'était levé. Il allait et venait dans l'étroite pièce, d'un pas saccadé de grands conquérants mis en cage. Ah, les gredins! Ils ont bien su ce qu'ils faisaient en m'enchaînant ici. J'allais triompher, les écraser tous! Comment triompher? Mais vous n'aviez plus un sou, vous étiez vaincu! Évidemment, reprit-il avec amertume. J'étais vaincu, je suis une canaille. L'honnêteté, la gloire, ce n'est que le succès. Il ne faut pas se laisser battre, autrement l'on n'est plus le lendemain qu'un imbécile et un filou. Oh, je devine bien ce qu'on peut dire. Vous n'avez pas besoin de me le répéter, n'est-ce pas? On me traite couramment de voleur. On m'accuse d'avoir mis tous ces millions dans mes poches. On m'égorgerait si l'on me tenait. Et ce qui est pis, on hausse les épaules de pitié. Un simple fou, une pauvre intelligence. Mais si j'avais réussi, imaginez-vous cela? Ouais, si j'avais abattu Gundermann, conquis le marché, si j'étais à cette heure le roi indiscuté de l'or, hein? Quel triomphe! Je serais un héros, j'aurais pari à mes pieds. Nettement, elle tint tête. Vous n'aviez avec vous ni la justice ni la logique, vous ne pouviez pas réussir. Il s'était arrêté devant elle d'un mouvement brusque. Il s'emportait. « Pas réussir, allons donc. L'argent m'a manqué, voilà tout. Si Napoléon, le jour de Waterloo, avait eu 100 000 hommes encore à faire tuer, il l'emportait, la face du monde était changée. Moi, si j'avais eu à jeter au gouffre les quelques centaines de millions nécessaires, je serais le maître du monde. » « Mais c'est affreux !» cria-t-elle, révoltée. « Quoi ? Vous trouvez qu'il n'y a pas eu assez de ruines, pas assez de larmes, pas assez de sang? Il vous faudrait d'autres désastres encore, d'autres familles dépouillées, d'autres malheureux réduits à mendier dans les rues? » Il reprit sa promenade violente. Il eut un geste d'indifférence supérieure en jetant ce cri. « Est-ce que la vie s'inquiète de ça? Chaque pas que l'on fait écrase des milliers d'existences. » Et un silence régna. Elle le suivit dans sa marche, le cœur envahi de froid. Était-ce un coquin? Était-ce un héros? Elle frémissait en se demandant quelle pensée de grand capitaine vaincu, réduit à l'impuissance, il pouvait rouler depuis 6 mois qu'il était enfermé dans cette cellule. Et elle jeta seulement alors un regard autour d'elle, les 4 murs nus, le petit lit de fer, la table de bois blanc, les 2 chaises de paille. Lui, qui avait vécu au milieu d'un luxe prodigué, éclatant. Mais tout d'un coup, il revint s'asseoir, les jambes comme brisées de lassitude, et longuement, il parla à demi-voix, dans une sorte de confession involontaire.